Deuxième partie, bénédiction du travail. En 1770, parut à Londres un écrit anonyme intitulé « An essay on trade and commerce ». Il fit à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand philanthrope, s'indignait de ce que la plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mis dans la tête l'idée fixe qu'en qualité d'anglais, tous les individus qui la composent ont par droit de naissance le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats dont elle stimule la bravoure, mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un état commercial comme le nôtre, où peut-être les 7/8 de la population n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler 6 jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en 4. Ainsi, près d'un siècle avant Guizot, on prêchait ouvertement à Londres le travail comme un frein aux nobles passions de l'homme. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, écrivait d'Ostérode le 5 mai 1807 Napoléon. Je suis l'autorité, et je serai disposé à ordonner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail. Pour extirper la paresse et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de l'Essay on Trade proposait d'incarcérer les pauvres dans les maisons idéales du travail, ideal workhouses, qui deviendraient des maisons de terreur où l'on ferait travailler 14 heures par jour, de telle sorte que, le temps des repas soustrait, il resterait 12 heures de travail pleines et entières. 12 heures de travail par jour! Voilà l'idéal des philanthropes et des moralistes du XVIIIe siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus ultra! Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant 12 et 14 heures non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Et dire que les fils des héros de la terreur se sont laissés dégrader par la religion du travail au point d'accepter, après 1848, comme une conquête révolutionnaire, la loi qui limitait à 12 heures le travail dans les fabriques. Ils proclamaient, comme un principe révolutionnaire, le droit au travail. Honte au prolétariat français! Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste à un grec des temps héroïques pour concevoir un tel avilissement. Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures de la faim se sont abattues sur le prolétariat, plus nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui qui les a appelées. Ce travail, qu'en juin 1848, les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l'ont imposé à leur famille. Ils ont livré aux barons de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leur foyer domestique. De leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes. Les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures tendre les chines et épuiser leurs nerfs. De leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. Honte aux prolétaires! Où sont ces commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux contes, hardis aux propos, franches de la gueule, amantes de la dive bouteille? Où sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleur des petits sains et vigoureux? Nous avons aujourd'hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux membres alanguis. Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l'on cassa leurs coquilles. Et les enfants ? 12 heures de travail aux enfants ! Ô misère ! Mais tous les Jules Simon de l'Académie des sciences morales et politiques, tous les Germini de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un vice plus abrutissant pour l'intelligence des enfants, plus corrupteur de leurs instincts, plus destructeur de leur organisme que le travail dans l'atmosphère viciée de l'atelier capitaliste. Notre époque est, dit-on, le siècle du travail. Il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption. Et cependant, les philosophes, les économistes bourgeois, depuis le péniblement confus Auguste Comte jusqu'au ridiculement clair Leroy Beaulieu, les gens de lettres bourgeois, depuis le charlatanesquement romantique Victor Hugo jusqu'au naïvement grotesque Paul de Kock, tous ont entonné les chants nauséabonds en l'honneur du dieu Progrès, le fils aîné du travail. À les entendre, le bonheur allait régner sur terre. Déjà, on en sentait la venue. Ils allaient, dans les siècles passés, fouiller la poussière et la misère féodale pour rapporter de sombres repoussoirs aux délices des temps présents. Nous ont-ils fatigués, ces repus et satisfaits, naguère encore membres de la domesticité des grands seigneurs, aujourd'hui valets de plumes de la bourgeoisie grassement rentée, nous ont-ils fatigués avec le paysan du rhétoricien La Bruyère ? Eh bien, voici le brillant tableau des jouissances prolétariennes en l'an de progrès capitaliste 1840, peint par un des leurs, par le docteur Villermé, membre de l'Institut, le même qui, en 1848, fit partie de cette société de savants, tiers cousin passible en qui l'académicien en était, qui propagea dans les masses les sottises de l'économie et de la morale bourgeoise. C'est de l'Alsace manufacturière que parle le docteur Villermé, de l'Alsace des Kestner, des Dollfuss, ces fleurs de la philanthropie et du républicanisme industriel. Mais avant que le docteur ne dresse devant nous le tableau des misères prolétariennes, écoutons un manufacturier alsacien, M. Mieg, de la maison Dollfuss, Mieg et compagnie, dépeignant la situation de l'artisan de l'ancienne industrie. À Mulhouse, il y a 50 ans, en 1813, alors que la moderne industrie mécanique naissait, les ouvriers étaient tous enfants du sol, habitant la ville et les villages environnants et possédant presque tous une maison et souvent un petit champ. C'était l'âge d'or du travailleur. Mais alors, l'industrie alsacienne n'inondait pas le monde de ses cotonnades et n'emmillonnait pas ses Dollfuss et ses Koechlin. Mais 25 ans après, quand Villermé visita l'Alsace, le Minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait conquis le pays. Dans sa boulimie de travail humain, il avait arraché les ouvriers de leur foyer pour mieux les tordre et pour mieux exprimer le travail qu'ils contenaient. C'était par milliers que les ouvriers accouraient au sifflement de la machine. Un grand nombre, dit Villermé, 5 000 sur 17 000, étaient contraints, par la cherté des loyers, à se loger dans les villages voisins. Quelques-uns habitaient à 2 lieues écart de la manufacture où ils travaillaient. À Mulhouse, à Dornac, le travail commençait à 5 heures du matin et finissait à 5 heures du soir, été comme hiver. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue et qui, à défaut de parapluie, portent, renversés sur la tête, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leur tablier ou jupon de dessus, pour se préserver la figure et le cou, et un nombre plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non moins hâves, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers qui tombe sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont même pas au bras, comme les femmes dont on vient de parler, un panier où sont les provisions de la journée. Mais ils portent à la main, ou cachent sous leur veste, ou comme ils peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de leur rentrée à la maison. Ainsi, à la fatigue d'une journée démesurément longue, puisqu'elle a au moins 15 heures, vient se joindre pour ces malheureux celle des allées et venues si fréquentes, si pénibles. Il résulte que le soir, ils arrivent chez eux, accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain, ils sortent avant d'être complètement reposés pour se trouver à l'atelier à l'heure de l'ouverture. Voici maintenant les bouges où s'entassaient ceux qui logeaient en ville. J'ai vu à Mulhouse, à Dornac et dans des maisons voisines de ces misérables logements où deux familles couchaient chacune dans un coin sur la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches. Cette misère dans laquelle vivent les ouvriers de l'industrie du coton dans le département du Haut-Rhin est si profonde qu'elle produit ce triste résultat que, tandis que dans les familles de fabricants négociants, drapiers, directeurs d'usines, la moitié des enfants atteint la 21e année, cette même moitié cesse même d'exister avant 2 ans accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers des filatures de coton. Parlant du travail de l'atelier, Villermé ajoute « Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une torture. Et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans. C'est ce long supplice de tous les jours qui mine principalement les ouvriers dans les filatures de coton. » Et à propos de la durée du travail, Villermé observait que les forçats des bagnes ne travaillaient que 10 heures, les esclaves des Antilles 9 heures en moyenne. Tandis qu'il existait dans la France qui avait fait la révolution de 89, qui avait proclamé les pompeux droits de l'homme, des manufactures où la journée était de 16 heures, sur lesquelles on accordait aux ouvriers 1 heure et demie pour les repas. Ô misérable avortement des principes révolutionnaires de la bourgeoisie! Ô lugubre présent de son dieu progrès! Les philanthropes acclament bienfaiteurs de l'humanité ceux qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres. Mieux vaudrait semer la peste, empoisonner les sources, que d'ériger une fabrique au milieu d'une population rustique. Introduisez le travail de fabrique et adieu joie, santé, liberté. Adieu tout ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue. Et les économistes s'en vont répétant aux ouvriers « Travaillez pour augmenter la fortune sociale !» Et cependant, un économiste, d'études de Tracy, leur répond « Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise. Les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. » Et son disciple Cherbulier de continuer, les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire. Mais assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre « Travaillez !» Travaillez toujours pour créer votre bien-être. Et au nom de la mansuétude chrétienne, un prêtre de l'église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie « Travaillez, travaillez nuit et jour. En travaillant, vous faites croître votre misère, et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. » L'imposition légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Travaillez, travaillez, prolétaires, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez pour que, devenant plus pauvres, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérables. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme au vice du travail, ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur misère présente, au lieu de courir au grenier à blé et de crier « Nous avons faim et nous voulons manger !»« Vrai, nous n'avons pas un rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, c'est nous cependant qui avons moissonné le blé et vendangé le raisin !» Au lieu d'assiéger les magasins de Monsieur Bonnet, de Jujurieux, l'inventeur des couvents industriels, et de clamer « Monsieur Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses !» Elles grelottent sous leurs cotonnades rapetassées à chagriner l'œil d'un juif. Et cependant, ce sont elles qui ont filé et tissé les robes de soie des cocottes de toute la chrétienté. Les pauvresses, travaillant 13 heures par jour, n'avaient pas le temps de songer à la toilette. Maintenant, elles chôment et peuvent faire du froufrou avec les soieries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont perdu leurs dents de lait, elles sont dévouées à votre fortune et ont vécu dans l'abstinence. Maintenant, elles ont des loisirs et veulent jouir un peu des fruits de leur travail. Allons, monsieur Bonnet, livrez vos soieries. Monsieur Armel fournira ses mousselines, monsieur Pouillet-Quertier ses calicots, monsieur Pinet ses bottines pour leurs chers petits pieds froids et humides. Vêtues de pied en cap et fringantes, elles vous feront plaisir à contempler. Allons, pas de tergiversation. Vous êtes l'ami de l'humanité, n'est-ce pas? Et chrétien par-dessus le marché. Mettez à la disposition de vos ouvrières la fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair de leur chair. Vous êtes amis du commerce? Facilitez la circulation des marchandises. Voici des consommateurs tout trouvés. Ouvrez-leur des crédits illimités. Vous êtes bien obligés d'en faire à des négociants que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui ne vous ont rien donné, même pas un verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront comme elles le pourront. Si au jour de l'échéance, elles gambettisent et laissent protester leur signature, vous les mettrez en faillite. Et si elles n'ont rien à saisir, vous exigerez qu'elles vous pètent en prière. Elles vous enverront au paradis, mieux que vos sacs noirs au nez gorgé de tabac. Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, crevant de faim, s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier. Avec des figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux, ils assaillent les fabricants. « Bon monsieur Chargot, doux monsieur Schneider, donnez-nous du travail. Ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente. » Et ces misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout, vendent 12 et 14 heures de travail, 2 fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et les philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché. Si les crises industrielles suivent les périodes de surtravail aussi fatalement que la nuit le jour, traînant après elles le chômage forcé et la misère sans issue, elles amènent aussi la banqueroute inexorable. Tant que le fabricant a du crédit, il lâche la bride à la rage du travail. Il emprunte et emprunte encore pour fournir la matière première aux ouvriers. Il fait produire, sans réfléchir que le marché s'engorge et que, si ces marchandises n'arrivent pas à la vente, ses billets viendront à l'échéance. Acculé, il va implorer le banquier, il se jette à ses pieds, lui offre son sang, son honneur. « Un petit peu d'or ferait mieux son affaire, » répond le Rothschild. « Vous avez 20 000 paires de bas en magasin, ils valent 20 sous, je les prends à 4 sous. » Les bas obtenus, le banquier les vend 6 et 8 sous et empoche les frétillantes pièces de 100 sous qui ne doivent rien à personne. Mais le fabricant a reculé pour mieux sauter. Enfin, la débâcle arrive et les magasins dégorgent. On jette alors tant de marchandises par la fenêtre qu'on ne sait comment elles sont entrées par la porte. C'est par centaines de millions que se chiffre la valeur des marchandises qui s'entassent. Au siècle dernier, on les brûlait ou on les jetait à l'eau. Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les fabricants parcourent le monde en quête de débouchés pour les marchandises qui s'entassent. Ils forcent leur gouvernement à s'annexer des Congos, à s'emparer des Tonkins, à démolir à coups de canon les murailles de la Chine pour y écouler leur cotonnade. Au siècle dernier, c'était un duel à mort entre la France et l'Angleterre, à qui aurait le privilège exclusif de vendre en Amérique et aux Indes. Des milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont rougi de leur sang les mers pendant les guerres coloniales des 11e, 16e et 18e siècles. Les capitaux abondent comme les marchandises. Les financiers ne savent plus où les placer. Ils vont alors chez les nations heureuses qui lézardent au soleil en fumant des cigarettes, poser des chemins de fer, ériger des fabriques et importer la malédiction du travail. Et cette exportation de capitaux français se termine un beau matin par des complications diplomatiques. En Égypte, la France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient sur le point de se prendre aux cheveux pour savoir quels usuriers seraient payés les premiers. Par des guerres du Mexique, où l'on envoie les soldats français faire le métier d'huissier pour recouvrer les mauvaises dettes. Ces misères individuelles et sociales, pour grandes et innombrables qu'elles soient, pour éternelles qu'elles paraissent, s'évanouiront comme les hyènes et les chacals à l'approche du lion quand le prolétariat dira « Je le veux ». Mais pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre-penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les droits de la paresse, 1000 et 1000 fois plus nobles et plus sacrés que les phtisiques droits de l'homme concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise. Qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Jusqu'ici, ma tâche a été facile. Je n'avais qu'à décrire des mots réels, bien connus de nous tous, hélas. Mais convaincre le prolétariat que la parole qu'on lui a inoculée est perverse, que le travail effréné auquel il s'est livré dès le commencement du siècle est le plus terrible fléau qui ait jamais frappé l'humanité, que le travail ne deviendra un condiment de plaisir de la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme humain, une passion utile à l'organisme social, que lorsqu'il sera sagement réglementé et limité à un maximum de 3 heures par jour, est une tâche ardue au-dessus de mes forces. Seuls des physiologistes, des hygiénistes, des économistes communistes pourraient l'entreprendre. Dans les pages qui vont suivre, je me bornerai à démontrer qu'étant donné les moyens de production modernes et leur puissance reproductive illimitée, il faut mater la passion extravagante des ouvriers pour le travail et les obliger à consommer les marchandises qu'ils produisent.